Mais avec ses acquis et ses insuffisances, l'enquête a fait école. Des recherches concertées du même type, qui ont souvent mobilisé des équipes de chercheurs, ont tenté, dans son sillage, de rassembler plusieurs disciplines pour l'étude d'une micro-région ou d'une commune. L'enquête du Châtillonnais, engagée à l'initiative de Claude Lévi-Strauss, qui a donné entre autres les études sur Minot, faites par trois femmes, trois ethnologues, ont curieusement rencontré les mêmes problèmes et les mêmes difficultés de terrain avec la population. L'enquête sur l'Aubrac, qui a été menée par une équipe des arts et traditions populaires, à l'initiative de Georges-Henri Rivière, ou dans les Pyrénées, l'enquête sur les baronnies, dirigée par Isaac Kiva et Joseph Goua, ont repris le même esprit. Et l'apport le plus original de l'enquête de Pleusévette, qui justifie, à mon avis, que l'on se replonge encore aujourd'hui et peut-être demain dans ses publications, n'avait pas été réellement prévu par ces initiateurs. Ils avaient souhaité étudier des formes de changement, mais ils n'avaient pas prévu, en choisissant cette commune du bout de France, du bout de la France, qu'ils auraient à l'observer dans la décennie où elle traversait les bouleversements les plus importants de son histoire, non seulement depuis la Révolution, mais peut-être depuis le Néolithique. Comme toute la France des années 60, mais beaucoup plus que la plupart des autres régions, en raison d'un phénomène de rattrapage et de désenclavement propre à la Bretagne, qui télescopait les étapes de l'innovation technique et faisait assister en accéléré à la métamorphose des formes de la représentation du monde et de la conscience de soi. On peut dire que Nietzsche rêvait d'une attention redoublée qui permettrait d'observer à l'œil nu l'herbe poussée. On peut dire d'une certaine manière qu'à Pleusévette, les chercheurs n'ont pas vu l'herbe pousser, mais ils ont vu le changement se faire sous leurs yeux. Mais j'ajouterai une dernière chose. Malgré ces rapports toujours difficiles, et ils ne peuvent être que difficiles avec le terrain, de toutes les grandes enquêtes collectives que j'ai évoquées, celle de Pleusévette est sans doute celle où la commune observée a durablement, c'est le plus approprié durablement de l'enquête et continue à se l'approprier. Finalement, les liens qui ont été conservés, les retours, les colloques qui ont eu lieu sont les indices d'un prolongement qui nourrit la réflexion locale comme elle peut nourrir la réflexion générale des sciences humaines. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'enquête, dans l'avancement des connaissances, elle aura sa place avec ses acquis, avec ses échecs, ses insuffisances, comme toutes les grandes recherches qui ont été faites dans les années 60 et dans les années 70. Mais ces ressources, je veux dire, représentent un gisement local qui est encore loin d'être épuisé et qui confronte constamment les Pleusévétiens, comme il pourrait le faire à n'importe quelle autre population, à la pluralité de leurs identités. Leur identité locale de Pleusévétiens, ils la retrouvent dans la singularité de l'histoire dont ils sont les héritiers, ce partage, au fond, au moment de la Révolution, où il fallait brusquement choisir d'être d'un côté ou de l'autre, où Pleusévette, à la différence des communes voisines, a choisi d'accueillir le prêtre assermenté et de ne pas protéger le prêtre non-jureur, c'est-à-dire celui qui restait fidèle à l'Église. Et du coup, ça en a fait un mouton à cinq pattes, un mouton noir, ensuite, après la Révolution, sous la Restauration, qui lui a donné une sorte de destin qu'elle n'avait pas cherché véritablement, d'être plus rouge que les autres. Ça l'a fait basculer du côté de la République, et ça a créé une tradition et un partage qui a été durable. L'identité bretonne, qui ne se confond pas simplement avec les sabots de Bécassine et les trésors du folklore breton, mais avec les grandes transformations des années 60, dont la Bretagne d'aujourd'hui est le résultat, à la fois avec de spectaculaires réussites et avec des aspects plus inquiétants et chaotiques. Or, les deux ont été pressentis ou envisagés à Pleusévette. Il y a eu une étude sur le moment des extraordinaires transformations de la vie agricole, mais aussi de la vie mentale, car les deux allaient en même temps, le désenclavement culturel, le fait que cette population qui, d'un certain côté, par l'éducation, se sentait déjà très présente à l'ensemble de la France, moi-même à l'ensemble du monde, avait le culte de la science, s'est trouvée dans sa vie quotidienne, bousculée du jour au lendemain par les transformations économiques des années 60. Mais aussi, il y a eu, et on l'a vu entre autres, quelques enquêtes sur la modernité, surtout l'enquête du groupe d'Edgar Morin, qui ont été plus loin, interviewé les gens, on saisit certains groupes pour qui cette transformation était inachevée, les femmes, les jeunes, mais aussi les inquiétudes qui sourdaient dans la population d'une sorte de mise en danger de l'environnement. C'était le tout début de la sensibilité à l'environnement. Tout ceci s'est trouvé, abordé, évoqué à Pleusévette et maintenant fait partie des thèmes quotidiens de la réflexion bretonne, des journaux et de la politique de transformation. La France, bien sûr, puisque cette période, on possède sans doute très peu de photographies, je dirais, savantes, comme celle de l'enquête de Pleusévette, des transformations de la France des années 60, dans la profondeur de ses campagnes, mais aussi dans la profondeur de chaque individu. Et c'est la multiplicité ici des enquêtes qui ont permis cette sorte de kaléidoscope qui peut être encore aujourd'hui consulter, nourrir des leçons à l'école, intéresser encore les adultes, etc., et permettre de mieux se comprendre et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et puis une réflexion sur le monde en général, sur l'humanité, disons, qui a essayé d'être ébauchée par cette rencontre, ce dialogue difficile entre les sciences biologiques et les sciences sociales, mais qui, à chaque fois qu'elle a pu se faire, par les méthodes qui étaient les leurs à Pleusévette, a conduit à une conclusion plutôt optimiste, si vous voulez, c'est que nous ne sommes jamais déterminés par notre patrimoine biologique. Nous le recréons, et nous le recréons toujours socialement. Autrement dit, nous sommes maîtres de notre destin social comme de notre destin biologique, individuellement et collectivement. Et une collectivité comme celle de Pleusévette qui a été étudiée montre à quel point les phénomènes interactifs comptent pour le développement, y compris le développement biologique d'une population. C'est toutes ces richesses, me semble-t-il, qu'on aperçoit mieux aujourd'hui et qui montrent que cette enquête sur laquelle on a été moi-même tenté de dire un peu de mal, Il fallait la critiquer, il fallait s'autocritiquer. Finalement, un peu comme les bons vins, eh bien, elle a vieilli et elle n'a pas trop mal vieilli. Et tâchons nous-mêmes de vieillir pas trop mal. Voilà.